18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Welcome on Croc Radio, vous êtes sur Croc Radio 89.5 FM et all the Convergence team for the radio show. Et là, pardonnez mon anglais, mais aujourd'hui on a un invité de marque, petit clin d'œil, puisque certains vont dans des food trucks, lui a choisi le vinyle truck. C'est notre ami et à chaque fois, on trouve un tas de pépites dans son camion. Pendant une heure, il est avec l'équipe de Convergence et il va tout nous dire. Welcome on board, Lloyd. Comment vas-tu? Merci Arnaud, ça va bien. Je suis ravi, ravi d'être avec vous. C'est toujours un bon moment avec vous. Merci en tout cas de cet honneur de venir dans les studios de Croc Radio. On a plein de questions pour toi. Je suis avec John d'un côté, David de l'autre. Yes, bonjour là, à tout le monde. Salut. Les gars. C'est parti, on va tout savoir sur Dr. Lloyd. Parfait ça. Eh bien, je te remercie. Donc ouais, c'est un vrai plaisir de te recevoir dans notre émission. Moi aussi, j'adore votre concept aussi, yeah. C'est le partage au max et voilà, ça, on se retrouve super bien. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de vie, pourquoi cette passion autour du vinyle et puis voilà, quelle idée folle ce music truck? Bah, le vinyle, ça a commencé pour moi un peu tard, ouais. 12 ans, 13 ans. J'avais peur de rentrer dans le magasin La High Street à Aberdeen où j'habitais. Oui, ça faisait, c'était Aberdeen en Écosse. Pour moi, ça a commencé avec l'Iron Maiden. J'ai franchi le pas de le magasin du disque. Yes. Voilà. Et rapidement, ça devient autre chose, un peu plus rock classique. Et puis après l'indé. Et finalement, à 16 ans, 17 ans, je suis complètement obsédé par toutes les musiques. Et puis, je commence à chercher la musique électronique. Et puis, ça date de 15-16 ans déjà. Pour moi, c'est peut-être tard. Avant, il n'y avait pas de musique dans ma vie. Moi, je me rappelle, c'était un peu plus tard, moi, je crois. Peut-être 20 ans, 22, ça commençait. Ah, pareil pour moi, c'était tard. Quoi. Oui. Est-ce que là où tu étais en Écosse, à Aberdeen, la musique, elle a été assez popularisée en termes de disquaires, en termes de vinyle? Est-ce qu'il y avait un grand accès pour ceux qui ne connaissent pas l'Écosse? Il y avait un accès suffisant, oui. Et il y avait deux super disquaires très indépendants. Ouais. C'était l'époque punk et on voyait la vie autour de ces magasins. Et, mais bon, c'est quand même pas une offre à Aberdeen, dans cette ville moyenne, c'est pas une offre énorme. Donc j'ai cherché en Écosse, à Glasgow, à Edinburgh, un peu plus. Et comment s'est né ce projet de monter un camion musique et tout ce stock de 30 000 vinyles que tu as? C'est énorme. Ah, c'est énorme. Où il vient quoi? On veut qu'il y en a 30 000, mais ça c'est un bon objectif. Yes. C'est le truc, enfin c'est toujours le rêve de faire un magasin de disques. Ouais. J'ai eu un autre métier, tout ce long, j'ai dû abandonner un peu la musique. Ouais, t'as une activité à côté, Oui, cette obsession. Et cette rêve existe toujours. Mm-hmm. Et enfin, c'est un peu difficile d'accès, c'est dans les moyens de l'ancien magasin. Et une amie proche a eu une idée folle autour d'un dîner un jour. Elle dit, vous devrez faire comme les music trucks. Et je suis toujours redevable à Sophie. Merci Sophie. Yeah, dédicace. Dédicace, big shout. Et du coup, le camion, donc c'est toi qui l'as monté Ça, c'est le destin parce que j'ai pas pu dormir après avoir cette idée. D'accord, il faut tout faire. Et puis, trois semaines après, ma femme voit une annonce pour quelqu'un qui vend son bibliothèque ambulante dans Charleville-Mézières. Les Ardennes, et je monte, je l'achète, et figurez-vous, il n'y avait rien à faire pour acheter. C'était des BD, des bouquins qu'ils vendaient, et les bacs, ils étaient à 60 cm de large, donc ça fait 2 LP. Donc c'était parfait, quoi. C'était juste absolument parfait. On pouvait le destin était là, quoi. Ah, c'est dingue, David, c'est dingue. Ah, c'est absolument clair. Dingue. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton camion? Est-ce qu'il n'y a que des vinyles? Bon, il n'y a que la place pour disons 3000 vinyles. Ouais. Il faut sortir la moitié sur une table pour que ça soit bien facile à compter. Donc tu les présentes en extérieur? Oui, sous un store, c'est vraiment d'accord. super bien équipé le camion, c'est un bijou. Et j'essaie de proposer beaucoup de choses, mais bon, je dois négliger pas mal de choses. J'aime pas ça, mais je peux pas stocker tout. Mais j'essaie d'avoir un truc éclectique au max. D'accord. Surtout donc t'as tous les styles, ouais. Un peu aventurier. D'accord. Et t'as du CD aussi. T'as gardé les livres ou pas? Oui. Ou les cassettes aussi, t'en as ou pas? Bien les livres. Bah, ouais. J'ai vidé la bibliothèque de ma femme pour remplir les étagères qui prenaient pas les disques. Merci. On voit le truc. Ok, et alors par rapport au vinyle, qu'est-ce que tu penses par rapport au retour qu'il y a depuis 2013 quand on regarde les chiffres, quand c'est passé, toi, ça passe de 6 millions à 17 millions aux US, 780 000 à 3,2 oh. millions au, de vente, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, de c'est vente enfin, en Angleterre. Toi, comment tu l'observes? Après, en France, l'accès n'est pas le même, est-ce que la demande aussi est la même? Pour moi, enfin, je vois. Une effervescence incroyable autour de la musique okay. dans tous les genres, les événements, le vinyle. Enfin, pour moi, c'est une évidence mm-hmm. que le format, il domine par son esprit l'amour de l'objet. Et mm-hmm. puis, ses côtés un peu vintage et puis le format large pour l'art avec, etc. Donc ça... Pour moi, c'est une évidence, mmh. mais j'ai pas toujours cru. Je vendais des okay. disques pour mes loisirs dans les années 90 et d'accord. j'ai un peu abandonné vers 2000 parce que c'était difficile à trouver. Tu les vendais en particulier ou dans un shop Non, pas dans un shop, c'était aux foires de disques. Voilà, d'accord. Ah oui. C'était okay. à peu près acheter, vendre des disques pour se soigner de l'addiction de les acheter. Voilà. Ok. Et si tu avais une question piège, un seul vinyle à garder, à partager ou à faire découvrir à quelqu'un, ce serait lequel? Ah, c'est quelque genre. Chose d'assez méchant. Steve Poindexter, Computer Madness, pour moi, ça dit tout. Ouais. J'ai chopé le techno okay. à 20 ans et ça m'a beaucoup affecté. Mais après, oui, ça, c'était la porte d'entrée. Un bouleversement. Quoi. C'est... Ouais, un bouleversement ah, oui. et un point de... d'accès pour une recherche bien plus large et j'ai compris que le techno c'est pas du techno, c'est la même chose oui. qui faisait la je sais pas ce rassemblement qu'on peut avoir socioculturellement dans okay. la musique et ça existait depuis très longtemps et ah oui ok pour moi ça c'est une porte d'entrée oui. mais Steve Poindexter Computer Madness il est toujours avec mm-hmm. moi parfait ça donc vous avez noté hein, la petite référence de notre cher Dr Lloyd. Alors côté, c'est vrai que sur le vinyle, hein, c'est vrai que c'est un support qui perdure hein, depuis 1887, depuis la création avec notre cher Émile Berliner. En Bretagne, il y a un projet qui est né, c'était de concevoir un vinyle en fait, comment dire, avec un recyclable, enfin pas à base de PVC en fait, acétate, hein. On vous rappelle, c'est fait à base de ça, c'est vrai. Le vinyle. Donc c'est un projet qui est né entre la société MCO Music et Algopac. Le but, c'est de se lancer dans un vinyle voilà, éco. Oui. Et qu'en penses-tu de ce projet-là? Bah, c'est de magnifique et bienvenue. Et mm-hmm. Personnellement, pour moi, je découvre... Peut-être j'avais en tête comme une autruche un peu. Je découvre beaucoup sur l'urgence climatique ouais, cette dernière année. Ouais, c'est et clair. Puis bah, je marche pour le climat. C'est, ouais, tu disais sur les marches, hein, tu étais présent. Hein. Tout comme ça, oui, il faut absolument les faire. Il faut abandonner les plastiques. Il faut trouver toutes les solutions. C'est clair. Tu peux nous redonner le nom du projet qu'ils ouais, ont? Je crois qu'il sûr. Est pas mal. Alors, ça s'appelle Vinylg, le nom. Vinylg, c'est et, drôle. Et c'est, ouais, c'est ça. Et puis, c'est développé donc, entre Algopac et MCOM Music. Donc après, le projet, il est toujours en développement. Hein, parce que c'est vrai que sur la durée, c'est pas encore ça, vu que c'est du biodégradable, hein, les ouais. algues. Moi, parce que Vinylg, les algues, ouais. moi, je trouve ça pas mal. Ils sont très forts. La Bretagne en breton. Exactement. Oui, support, full support. Voilà. C'est toujours en avance. Une pensée pour mon pays. Il yes. faut juste voir. Ouais. Oui, je soutiens à fond. Et il faut juste voir ouais. que c'est un support qui supporte la maltraitance qu'on fait ouais. au disque. Nous, les DJ, ouais. c'est parfois que ouais, c'est faut un support super costaud. Et voilà. Bon, pour terminer, Quels sont tes projets à l'avenir? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que j'ai vu que tu avais plein de choses. Tu viens de t'établir dans de nouveaux lieux, là. Ok. Bah, dernière nouvelle, c'est que je... Le truck, il sera occasionnellement sur les routes, sur des événements okay. du style qu'on a déjà eu, les open air. Des sur Lyon ou un peu plus loin, en France, Rhône-Alpes? J'aimerais bien me déplacer plus, mais ça ne se permet pas dans les... avec le boulot à côté, okay. je ne peux pas un peu, en quelque sorte, faire un circuit qui, d'accord. qui vaut le coup de c'est un peu cher à déplacer. Est-ce que tu aurais envie de faire je comprends. Oui. Ok. Oui. S'il y a des intéressés, n'hésitez pas à contacter Dr. Lloyd. Exactement. Et oui, j'ai envie. Ouais. Je suppose que c'est peut-être propice à faire un circuit, une sorte de mini-tour, bien je sûr. Pense. Mais ça, c'est un peu difficile. Oui, parce que toi, tu vas à la rencontre des gens, justement, ce partage. Oui, on rencontre toujours. C'est un super endroit d'échanger sur la musique. Du coup, on peut te retrouver où tu nous disais? C'est pour le moment, c'est donc je vais commencer quelque chose un peu plus sédentaire dans une échoppe à la commune. À d'accord. Lyon. À Lyon. Jeudi et samedi chaque semaine. Très bien. Toute la journée. Donc je vais investir d'une des échoppes, cet magnifique endroit, la commune, un grand resto à Lyon. Ok. Style un peu coopératif, street food, très agréable. On peut rappeler où c'est la commune pour ceux qui ne connaissent pas? La rue Pré-Gaudry, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ouais, la commune. Et big shout à tout le monde là-bas. Et puis dernièrement, un big shout au Paradox qui me reçoit une ou deux fois par mois pour toute l'équipe de Momo. Session très très très underground dans la capitale. Exactement. Salut à tout le monde, surtout Momo. Bisous. Parfait. Bon, bah écoutez, on espère que cette interview vous a bien intéressé et plu. On va passer à la partie musique. Donc, on va retrouver Lloyd derrière les platines. Le temps qu'il se passe en vinyle. Tout à fait. Donc, il va se placer directement. Et puis, vous pouvez pouvoir suivre le live directement sur Facebook et puis en direct sur les zones de Croc Radio. Juste une petite dédicace, coucou à la famille et tout. Yes. Sylvie, Lucas, Rocco et tous mes amis chers et proches, vous aime. Merci Lloyd. Merci d'être venu. Et tout de suite, c'est le mix de Dr. Lloyd derrière les platines. Merci encore de nous avoir honoré de ta présence. Et puis, eh bien, bonne écoute. On est parti pour un peu plus de 40 minutes de mix par Dr. Lloyd. Vous pouvez retrouver son vinyle truck un peu partout dans les rues de Lyon et notamment à la commune, il l'a dit, jeudi et samedi, toute la journée, où il mettra à l'honneur tout son savoir-faire artistique. Merci et bonne écoute. Thank you. Is the continuation of my dream.

trip or something? We all are. This is a trip that never seems to end and goes nowhere. We don't exist. None of us. C'était Dr Lloyd au mix avec l'équipe de Convergence derrière. Ouais, bravo, bravo, yes, les gars. Yes. Merci. Yes. Yes. Une musique bien éclectique, comme on les éclectique, comme on les aime. Tu vas réussir. Yeah. C'était vraiment super et agréable à écouter. Merci Dr Lloyd. Et tout de suite pour les quelques minutes qui nous restent. Eh bien, l'agenda, quoi de beau cette semaine dans Lyon et les environs ? Eh bien, bonjour à tous. L'agenda, toujours présent sur les bonnes soirées à faire. Alors, du côté de Lyon, vous avez les 6 ans du terminal qui se font ce soir avec Matt Edwards, aka Radio Slave, donc le boss de Rekid. Ah, ça, c'est bien. Ils font plaisir. Vous avez aussi HV qui fait une petite soirée au Loupica. Qui propose une soirée basse obstinée, tendance anglo-saxonne. Donc plein de belles découvertes à faire. N'hésitez pas aussi, on vous le conseille. Ouais, super lieu aussi. Pour demain, vous avez la Sunset Society qui s'associe avec le Lavoir Public et Barbiturix et qui vous propose une soirée au sucre, donc toujours à Lyon. Objectivement, les dimanches, les grands dimanches, notamment. Super recommandé. Et on part pour la semaine prochaine, pour le vendredi, vous avez la soirée obscure au Terminal. Vous avez également la soirée particule. Alors c'est particule plutôt qui invite Derek May au Discret. Ah, c'est bon ça aussi. Wow. Ouais. Et From Detroit. From Detroit. Tout commence pour moi avec Derek May. C'est ça. Le cador. Et juste un jour avant, et du coup, ça sera pas la même line-up, mais ça restera autant dans le fun. C'est le jeudi soir, donc du coup, au Bisto Fly. Ah, donc, vous avez prévu ça aussi. C'est ça. Okay. Ouais. Donc Alexandre Bas, compagnie de Yeuz, et donc ça à Lyon, sera Bistoufly, à Lyon, c'est ça, dans le 6ème, place Satonnet. Alors, tout ce que vous allez faire là, il faut être direct au Bistou, c'est de la folie. Voilà, il a tout dit. Précision, c'est dans le premier. Autant pis, vas-y. J'ai coucou Alex, my man Alex, il est à la Maison Mère ce soir. Quelle est sa soirée? Structure Cube. Ok. All right. Et par des bonnes choses. Je pense. Finalement, on était bien faire 4 pour l'agenda. Hein. Yes, il fallait bien tout ça. Et puis, on termine aussi avec toujours le 8, Happiness Therapy qui présentera Subjoy. Donc la House Music au Terminal. Ok, merci. Voilà, c'est tout pour l'agenda. Il reste 1 minute et quelques secondes. Moi, j'ai envie de demander le mot de la fin à Dr Lloyd. La musique pour toi, qu'est-ce que ça représente? Putain, il reste 1 minute. Hein. Une minute pour dire. allez, du mur. C'est l'obsession pour moi. C'est l'obsession. Faut que ça. Must be the music, on a entendu, ils ont dit ça sur le disque. Must be the music, must. Yeah, only that. That's a must. Yeah. Okay, non, mais le mot de la fin, c'est merci, les gars. Merci à toi. Vous êtes des as. Ça nous a fait très plaisir de te recevoir. Et puis, c'est à chaque fois, de toute façon, un honneur d'avoir nos invités et des invités toujours qualitatifs. T'as une super sélecta de musique. Ouais, belles émissions. C'était une sélection éclectique. Exactement. Merci Dr Lloyd. On va bientôt rendre l'antenne. Merci. Et on vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Et puis comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les ondes de Croc Radio 89.5 FM, sur le Mixcloud également, Convergence avec un K comme Convergence. Spotify, abonnez-vous. Et puis à la semaine prochaine, même lieu, même heure. Salut tout le monde. Salut. Merci. 18h, 19h. Convergence. Culture et musique électro-underground.